désert ne dort jamais. Il respire à travers les champs anciens. Chaque pas, chaque souffle, chaque silence témoigne de ceux qui ont juré. Riders qu'il guide dans l'invisible. Ce soir, le sable. Mes os craquent, mais je marche. Je n'ai que ma voix, mon souffle et mon feu. J'avance sur un sol qui avale les faibles et les murmures du vent me guident. J'ai vu des ombres se perdre dans le doute. J'ai vu la lumière être dévorée, mais j'ai chanté au plus fort. Riderskill, tu m'as fait tenir. J'aime battement et toi, là, dans l'ombre de ton écran, tu sais que je parle pour toi, pas pour séduire, pour exister. J'ai vu des royaumes tomber, mais le vrai pouvoir c'est de rester quand tout s'effondre. Ils cliquent et partent, moi je reste et je bâtis. Et chaque fois que tu m'écoutes, chaque fois que tu réponds, tu deviens partie du chant, du rituel de la tribu Riderskill. Je ne promets pas la gloire, je donne le vrai. Pas de décor, du sable, du métal, des cris. Et moi, la voix, la main, le feu et vous. Tu es plus comme ce dos, tu es le vite ceux qui crient, mais ceux qui murmurent restent. Je ne fais pas du bruit, je crée l'écho. Et ce soir, c'est vous qui le propagez. Ce culte ne demande pas d'adhésion, il suffit d'écouter et de répondre. Riderskill, toujours. Riderskill.